Maintenant que c'est fini, je peux te le dire. J'ai toujours eu peur de ce double qui vit en moi. Tu préfères la vie à deux, à trois on peut rien construire. Tu ne peux aimer qu'une seule personne à la fois. Qui est cet autre qui prend possession de moi? Qui est cet autre qui parle et agit à ma place? Qui est cet autre qui dit et fait n'importe quoi? Qui est cet autre complètement à la masse? Que c'est fini, je peux à nouveau sourire et vivre très loin de ce double qui vit en moi. Tu préfères la vie à deux, à trois on ne peut rien construire. Tu ne peux aimer qu'une seule personne à la fois. Qui est cet autre qui prend possession de moi? Qui est cet autre qui parle et agit à ma place? Qui est cet autre qui est complètement à la masse? Qui est cet autre qui fait n'importe quoi? J'en ai fait des sacrifices. Ma bipolarité est un supplice. Il n'y a plus de colocation.